Les débats. Pas de radio, mais pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Donc, vous êtes bien sûr Fun Radio. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-085000. C'est Apolline ce soir qui... je lui donne une chance ce soir. Je lui donne une chance pour les deux débats. Donc, comme Fildar est en vacances, donc c'est Apolline qui sera au standard. Manu qui sera à l'AREA. Tout à fait. Donc, bonsoir à toi, Manu. Bonsoir à toi, Gérard. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler 3615 Fun Radio rubrique directe. Ouais. Il marche. Ouais. En espérant qu'il y aura pas de messages personnels, parce que les messages personnels on n'en veut plus. T'inquiète pas. Et toujours Rigo au www.fr Fun Radio. Et on est combien s'il te plaît? Et c'est énorme ce soir car on est déjà 5689. 5689. Ça démarre fort. Bravo. Ouais, ça commence fort pour. Et pour commencer, il y a Rip qui te dit tu es la star de nos débats. Oh, ça c'est beau. Gérard. Ah, mais ça, c'est pas moi la star, c'est Max qui a voulu tenter ça. Donc, le premier débat va porter sur les voyages et le deuxième portera sur les séries télé. Et pour ça, on va accueillir Airponce 20 ans de Nice où on peut écouter Fun Radio sur 98.2. Ouais, bonsoir Gérard. Oui. Oh là là. Bonsoir. Oh. Oui, Gérard. Je crois que tu vas me calmer Air France parce que je crois qu'ils sont à plusieurs derrière. Et j'aime pas trop les gens qui énervé. Sont à plusieurs derrière. Ok. J'aime pas trop ça. Bon, donc, accueille les autres. Donc s'ils sont à plusieurs, déjà Air France, tu peux lui dire au revoir s'ils sont à plusieurs. RATP, 19 ans, Paris. Donc oui. On peut écouter Fun Radio sur 101.9. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. Ouais. Petite grotte, 22 ans de Poitiers. Oui. Donc la fréquence est 106. 106 et c'est petite grotte, avec un C comme le caca. Et on ne se moque pas de mon nom parce que c'est pas ma faute. Ça, c'est ça. Je préfère. Et après, madame Catherine. Ouais, salut, Gérard. Monsieur Catherine. Salut à toutes. Ouais, Catherine. Mais c'est monsieur Catherine. Monsieur Catherine, 21 ans de Lyon. On ouais, peut écouter Fun Radio sur 89.5. Tout à fait. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais, pourquoi? Ça m'étonnerait. 89.5 en stéréo, mon ami. Ouais, en stéréophonique, c'est ça? Mégahertz. Oui, alors pour l'instant, tu vas te taire. D'accord? Ok, Michel. je pense que tu vas pas durer longtemps, toi non plus. Copyright. Bon, alors, c'est pas grave, elle va les calmer, on y va. Pose ta première question, Jean. Alors, première question. Avez-vous déjà voyagé? Si oui, où? Si oui, où et quand et comment? Donc, on va demander à RATP. Ouais, alors, moi, mon plus grand voyage, c'était quand je suis allée à Disneyland Paris. Ouais. Donc, j'ai utilisé le RER. Voilà. Mmh. Non, mais et où? À Disneyland, à Marne-la-Vallée, quoi. Non, mais et comment? En RER? En RER A, je crois. Ouais, non, mais... Attends, t'as un RER, on prend le RER, ça fait un voyage, quoi. Ouais, mais t'as pas besoin de préciser Disneyland. Je te demande, avez-vous déjà voyagé? Si oui, où et quand et comment? T'as pas besoin de dire Disneyland. Tu peux préciser. C'est Marne-la-Vallée, quoi. Ouais, mais tu peux préciser d'autres villes. T'as aussi quand je suis allée aussi à Villejuif. Ouais, non, mais c'est bon. Air France, si elle s'est calmée avec les gens qui étaient derrière. Bonsoir, je suis calmée. Moi, je suis allée une fois à Bruxelles, en train. Ouais. Et une fois en Thaïlande, en avion. Ah, voilà. Et donc... c'était vachement bien. Ouais, non, mais tu penses quoi des voyages, toi? Je pense que ça forme la jeunesse. Ouais, mais vu l'âge que t'as, 20 ans, je pense que tu dois suivre... T'as encore des études. Ouais, je fais encore des études, mais je vais encore voyager, donc j'ai pas fini de grandir. Hein. Ouais, non, mais je pense... Oh là là, Manu, s'il te plaît, si on pouvait me baisser un tout petit peu le retour... Baisse-le. Non, mais le retour... Ouais. Non, parce que après... Baisse-le dans ton cas, Gérard. Bah ouais. Celui derrière qui s'amuse à dire ouais, il va se calmer. Moi, Gérard. Oui, sur IRC, il y a Lampiote qui te demande si. Merci. Bravo, Apo. Apo. J'ai rien fait. Attends. Non, mais c'est bon. Celui ça qui a raccroché. Celui qui a raccroché. Non, mais c'est personne qui a raccroché. C'est le standard qui. Ah non, mais attends. Ouais, hey, Manu. Qui... Manu. C'est oui. arrivé, Gérard. C'est arrivé il y a deux jours. Oui, mais Gérard. Non, mais oui. Hey. Manu. Oui. Non, Manu, il a oui, mais c'est pas de ma faute, là, Gérard, j'ai rien fait. Je voulais juste, on va profiter de cette pause pour que je te pose une petite question IRC. Il y a Lampiote qui te demande si tu considères que tu voyageais quand tu descendais à ta cabine pour faire tes poèmes. Non, je voyage pas pour faire mes poèmes dans ma cabine. Donc, je vois pas le rapport. Ouais, et sinon, il y a Moulinex qui te demande si tu crois aux vies antérieures. Il peut préciser sa question ou pas? Je pense qu'il peut. On va attendre qu'il précise. Okay. Sinon, on peut peut-être profiter de ça pour sortir un petit sondage tout de suite. Vu ouais, les auditeurs sont de retour. Hein. Non, ah, ça okay. y est. Ah bon, bah, est. C'est bon, on peut reprendre alors. Ah ben, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Donc, RATP, toi. Ouais, mais j'ai déjà répondu, j'ai. Donc, petite... Mais j'ai jamais voyagé, alors tu sais. Comment ? Mais tu sais, j'ai jamais voyagé beaucoup, alors pour parler de ça, de voyage que j'ai fait, c'est dur. Non, mais alors, attends. T'as jamais... Dire, non, mais... Non, mais attends, moi, une question que je vais te poser. Ok, ouais, hein. Pourquoi qu'on te sélectionne si t'as jamais voyagé? Parce que je m'intéresse beaucoup au voyage et que j'ai fait beaucoup de voyages, mais antérieurs et beaucoup de voyages... Postérieurs. Ouais, non, postérieurs, voilà, exactement. Non, mais attends, si t'as jamais voyagé ni rien, ça sert à... Je vois pas pourquoi qu'on te sélectionne, hein. Bah parce que je suis... Non, mais moi voyage, non, mais moi, je voudrais des gens... Parce que là, 20, 19, 22, 21, je pense que ça, c'est des étudiants, et les étudiants n'ont pas beaucoup voyagé. Moi, ça n'empêche pas, Gérard. Petite grotte, ouais, petite bah écoute, grotte. Écoute, moi je suis pas du tout étudiant, je suis fils de diplomate. Non. Donc, ouais, suis... Tony. Ah non, pas du tout. Ah non. Goldo. Ah non, non plus. Pas du tout. Non, c'est clair. Moi je suis fils de diplomate, donc je te disais. Et donc j'ai beaucoup voyagé, je suis un grand voyageur. Donc j'ai fait des safaris au Kenya en jeep. Ouais, ben c'est bon, Goldo. Attends, non, mais c'est bon, Goldo, on t'a reconnu. C'est au revoir. Ah, c'est Goldo. C'est Goldo. C'est Goldo. Au revoir. C'est pas grave. Allez, au revoir. Voilà, il est parti. Au revoir. Ça y est, il est parti. Terminé pour lui. Gérard, sur IRC, il y a Choco Bogol qui te demande si tu estimes qu'on voyage quand on regarde une chaîne documentaire Voyage, par exemple. La chaîne Voyage. Sur le câble. Bon, donc je vais répondre. C'est qui? C'est l'IRC. Hein, Chocobo Gold, oui. Bon, donc c'est vrai que il y a pas mal de trucs qu'on peut regarder sur des chaînes. Bon, c'est vrai sur les chaînes Voyage. Pour l'instant, j'ai pas vu ça sur le Cap parce que je l'ai pas. J'ai pas les moyens. D'accord. Donc, mais je pense que on peut trouver des voyages pas chers. Si, faut quand même trouver pour un voyage, un voyage ça te coûte pas loin de 10 000 francs. Hein. Ça dépend où tu veux aller. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'il y a Lampiote, elle te dit que en fait tu pourrais vendre tes poèmes pour t'offrir ton premier voyage, à savoir prendre le métro. Ah non, mais ça, moi, je vendrais pas mes poèmes pour faire un voyage. Ça nuance. Et puis t'as déjà voyagé, toi, en plus. Ben ouais, j'ai déjà été à New York, j'ai été en Belgique cette semaine, tu vas, Rigo. Ah ouais. Donc ce week-end, cette semaine, ce week-end. Donc toi, tu vas. Oui, on accueille. Oui, alors à la place de petite crotte, on accueille billet d'avion 29 ans de Biarritz. Oui, mais attention. Bonsoir. Attends 5 minutes. Bonsoir. Je préviens. Non, mais s'il vous plaît, 5 minutes. Je te préviens, Apolline. Oui, Gérard. C'est pas la peine d'essayer de les reprendre et de me dire on accueille machin si c'est pour reconnaître les mêmes voix. Okay. Parce que là, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, je demande à Olivier qui prenne le standard. On est salut, bien d'accord là. Donc alors, c'est... Billet d'avion. Alors, billet d'avion, bonsoir. Bonsoir. Donc, t'appelles de... De Biarritz. Biarritz, tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? 107.6. 107.6. Ok. Alors donc, pour toi la question... Bah, écoute, moi j'ai voyagé effectivement dernièrement à New York. Ouais. New York. Oh donc j'ai été avec une blonde dont je tairai le nom. Et, ouais. Et voilà, et je suis sorti en boîte et c'était super. Ouais. Voilà. Monsieur Catherine. Oui, donc ben moi j'ai donc voyagé, donc vu que je m'appelle Monsieur Catherine, donc je suis parti au Brésil me faire opérer. Et oui, et ouais. Et donc, tu me prendrais pas pour un con? Absolument pas. Non, mais tu m'y laisses. Catherine Matoche. Ouais, c'est bizarre parce que tu t'appelles Monsieur Catherine. Oui, tu pars au Brésil. Catherine, donc je suis allé me faire opérer au Brésil. Non mais attends, Gérard, laisse-moi répondre. Ouais, attends, tu permets, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? D'accord. D'accord. Donc tu pars au Brésil pour te faire opérer. C'est vrai. Hein, pour te faire faire un corps de femme. Ah oui. Hein? Oui. Et pour l'instant t'es une voix d'homme. Alors me prends non, pas pour écoute, un con. Non. Me prends pas pour un con. C'est impossible, Gérard, ça. Tu m'as pas laissé finir. Tu peux pas changer ses cordes vocales. Ah, non, mais écoute, elle a une voix d'homme. Gérard, au début je m'appelais Catherine. Ouais. Je suis allé me faire opérer. Maintenant je suis un homme. Donc ouais. C'est pour ça c'est Monsieur. Ouais. D'accord. Donc moi j'ai passé donc. Et pourquoi pas mademoiselle? Mais parce que je t'ai dit non, je change de sexe. Ouais ouais c'est ça. Et donc en fait maintenant donc j'ai passé 2 semaines au Brésil, donc là-bas j'y étais 7 jours sur 7. Ouais ouais. C'est l'ex d'Olivier en fait. Non. Ouais alors au revoir, terminé pour c'était lui. Polo. Gérard. C'était Polo. Ouais ben voilà. Alors Polo. Ah bah justement. Ah bah oui. Justement tiens. Le monsieur Polo qui s'amuse à marceler tous les jours au téléphone. C'était Polo. Alors là celui-là, ouais. Tu vas me garder son numéro et tu le transmets en Max. Gérard. Et Max, s'il pouvait venir, et on va s'amuser. Et on peut reprendre le débat un peu. Ouais, s'il te plaît, parce que on Gérard. On va à Polo et on reprend le débat. Ouais, sur IRC, il y a Yankee qui te demande si c'est vrai que le seul voyage que t'as fait, c'était pour aller au bar en face de chez toi et qu'après tu te croyais sur la lune. Non. Et on me dit aussi sur le Minitel que on te demande si t'as l'impression de voyager quand tu fais l'amour, t'as pas l'impression de te retrouver dans les montagnes rocheuses. Quand je fais l'amour, non, pas du tout non plus. Ah ok. Donc deuxième question. Combien dépensez-vous pour faire un voyage en euros? Alors on va demander ça à Air France. Alors par exemple moi quand j'étais en Thaïlande. Oui, Gérard. Ouais mais je t'écoute. Air France. Vous savez quand j'avais été en Thaïlande ça m'avait coûté 18 000 francs. Donc, tu multiplies par 6, ça fait à peu près 70 000 euros. Ouais, d'accord. Ouais, de toute manière, moi, j'ai un petit truc à préciser sur ça. Hein. Précise. Donc, moi, je peux dire une chose, c'est malheureux parce que Françoise n'est pas parmi nous pour le débat. Mm-hmm. On peut lui faire un bisou quand même. C'est un bisou à Françoise. Hein, quand voilà. Même. Donc tout le monde lui fait un bisou parce voilà, que c'était sa fête il n'y avait pas longtemps. Donc on lui fait des gros bisous d'ailleurs, et on fait des gros bisous. Voilà. Et on fait des gros bisous à Bibi. Non. Quoi je sais non pas. Je sais pas. On la connaît moins. Hein. Ouais ben Bibi, moi je te fais des gros bisous ma puce. Donc moi je peux dire une chose, c'est que j'ai regardé un truc à midi. Et un voyage à 29 160 francs, moi, vous savez combien que ça coûte en euros pour aller à Tahiti et tout ça? Non, vas-y. En euros? Ouais. Vas-y. Non, mais si... c'est la question. Non, mais... Ah, d'accord, ok. Non, mais si quelqu'un pouvait me le dire... Ah non, je sais pas. Euros. Ça coûte 4 455 euros. C'est tout? Oui. C'est dingue, hein? C'est que dalle. Ouais. C'est pas cher. Ouais, c'était pas combien en francs? Combien en francs? Et en France, ça coûte 29 000... Mais c'est vachement moins cher en euros, en fait. C'est beaucoup ouais, moins cher c'est en super euros. Intéressant. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah ouais. Parce que j'ai regardé à midi, je sais pas... C'était quoi c'était dans juste ce prix. Ah bah ouais, bah évidemment. C'est la fin. Et je vais te dire une chose, que la nana, elle a gagné le voyage à 29 160 francs et le voyage en euros, parce qu'ils ont... En dessous, c'était marqué en francs normal mm-hmm. et en euros... C'est et en euros, ça coûtait 4 455 euros. C'est un attrape-nigo, ça, Gérard? Mais non. Non, c'est pas un attrape-nigo, c'est vrai. Parce que je vais dire un attrape-benoît. Parce que j'ai dit une chose, le mec qui a gagné la bagnole, en euros, ça coûtait 7000 francs. Et la bagnole valait plus de 175 000, je ne sais plus combien. Donc Gérard, c'est pas pour reparler de l'euro, mais quand l'euro arrivera, les voyages seront beaucoup moins chers. Donc ce sera le moment en fait de voyager, il vaut mieux attendre que l'euro arrive avant de partir. Ben disons, le problème qui est, c'est vrai que en euros, ça va être le problème parce que tout le monde n'est pas encore prêt pour l'euro, même les personnes âgées, parce qu'en fin de compte, c'est les personnes âgées qui vont être le plus atteintes là-dedans. C'est pas mais nous. C'est vrai, c'est vrai. Parce que nous... pas bon... l'antenne, hein. Allô, antenne. Si, vous êtes en l'antenne. Si, vous êtes, vous êtes encore en l'antenne. Allô. Mais non, mais pour l'instant, je réponds... Moi, allô, s'il vous plaît. Allô. Vas-y. Merci. Vas-y. Donc je réponds. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ça va être les personnes âgées qui vont avoir du mal de pouvoir se diriger là-dessus. Donc on revient sur le débat. Il y a une petite question de Vanilla sur l'IRC. Oui. Elle voulait savoir si on peut amener ces animaux en voyage, genre bulldog, thon, dinosaure, etc. Ben justement, c'est une question qu'on va poser. Donc Gérard, à la place tu répondras tout à l'heure, ok. Oh, pardon, Gérard, à la place de Monsieur Catherine, on appelle René Covolo, 26 ans, de Brest. Bonsoir. Attention. Oui, Gérard. Allô, Gérard. Attention. Bonsoir. Attention. Bonsoir. Ne t'amuses pas. Allô. T'amuses pas. Allô, parce que j'ai vu que tu le prenais. T'amuses pas à dire que c'est un nouvel auditeur. Non, il n'y a pas de problème. Écoute sa voix, tu verras, Gérard. Donc, Monsieur Covolo. René Covolo. René Covolo. Covolo. Ouais, ben, moi, je t'appellerai René. T'appelles d'où? De Brest. Fréquence 95.4. Ok. Et à Brest, tout le monde monte. Ouais. Et à Montluçon, tout le monde descend. Ok. Alors, RATP. Donc, pour toi, la question. Bah alors, à mon avis, moi, tu sais, mes voyages, c'est pas vachement payant. Donc, moi, c'est à peu près 7 euros. C'est pas cher, hein. C'est pas cher. Hein. C'est clair, mais j'ai trouvé des super agences, moitié prix et tout, donc 7 euros, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Ok. Billet d'avion. Moi, pour le voyage aux États-Unis, en sachant que le triangle du carré des côtés de l'hypoténuse est égal au triangle du carré de l'angle droit de pi fois 12, on peut... j'ai la tête des matières. Les habituels, vous arrêtez là. Ok, Lascar. Lascar, au revoir. Terminé pour les habituels. Je crois que Apolline, tu pourras pas faire les 10 questions. Pourquoi, Gérard? Non, on va demander à Olivier. Olivier, s'il te plaît. Attends, mais Gérard, je t'en trouve d'autres. Il y a pas. Non, je demande à Olivier là. Il va arriver. Vas-y, continue. Olivier. Non, mais continue, Gérard. Monsieur René. Alors, donc moi, j'étais parti au Vietnam. Et ça m'avait coûté. C'est vrai que tu pètes au lit. Bon, et hop. C'est qui lui? Non, mais c'est qui t'essayes d'écouter. Toujours Polo. Non, mais là, Olivier. Vas-y, Gégé. Donc, René. Oui, donc moi, je te dis... Donc, Olivier, il est avec son pote. Hein. Oh, mais attends, moi, dans mais ce cas-là, moi... Je passe pas comme ça. Vas-y. Bon, René, tu réponds ou pas? Bah, écoutez, j'essaye de répondre depuis tout à l'heure, mais tout le monde m'interrompt. Bon, alors, tu réponds maintenant. Bien. Donc, j'étais parti donc au Vietnam... ça m'avait coûté à peu près 6,95 €. Pas mal non plus, hein. Pouh, pas cher, hein. Tu veux dire que pour aller au Vietnam, c'est le même prix que pour aller voir Mickey? Ouais, exactement. Ou alors pour c'est le même prix que pour aller au marché, par exemple. C'est fou. Vas-y donc. Bon, moi j'ai un sondage là. Vas-y. En plus, je sais pas qui c'est qui m'a fait les photocopies, mais là, on voit que dalle, hein. Alors, pour ou contre les voyages, il y a 41% des gens sont pour si c'est pour voyager. 32% des gens sont pour si c'est pour voyager. C'est quoi, là, ces sondages-là? Le premier sondage, alors... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien que si c'est pour voyager. Dis les pourcentages, sinon c'est pas intéressant. Je comprends pas. Mais non, mais 17% des gens sont pour si c'est pour voyager. Et 10% des gens sont pour si c'est voyager. C'est quoi là ces sondages? Je comprends pas moi. Moi non plus. Demande à la peau, je sais pas moi. C'est quoi là? au lieu d'essayer de dire aux gens qui sont de voir, c'est pas la peine. Non, j'ai quelqu'un d'autre là. Non, il y a pas quelqu'un d'autre. Regarde Gérard, écoute. Non, mais moi, je peux le savoir. Voilà, à la place de Heure Inter, on accueille aller-retour 22 ans de Nantes. Ouais. Ouais, aller-retour que dans ta gueule. Que, écoute. Ouais. Oui, je t'écoute. Aller-retour. Ouais. Tu peux répéter la question, Gérard? Voilà. Je lui ai dit. Hein. Voilà, c'est pas grave, elle a entendu. Vas-y. Non, mais moi, je répète plus la question. Donc, tu réponds ou tu réponds pas? Et Gérard, c'est vrai que tu couches avec Big Bill? Et ta mère accouche avec qui? Combien ça coûte en euros? Voilà. Combien ça coûte en euros? 76. Bon, d'accord. Aller-retour, je crois que ça va pas là. Hein. Bah pourquoi? Non, parce que je crois que pour l'instant, t'es en train de te foutre de ma gueule. Bah non. Non, tu prendrais? Tu prendrais pas le train? Ah bah non. Non plus? Non plus. Bon, alors, tu réponds à la question correctement? Vas-y, elle n'a pas déjà. Bon, mais alors. Non, allez, hop, fermez pour aller-retour, comme bon, ça. J'ai une bonne question de Davy One sur l'IRC. Il demande si les gens qui voyagent en première classe arrivent avant ceux qui voyagent en deuxième classe. Pareil, parce que ça dépend. Mais s'ils arrivent plus vite parce qu'ils sont à l'avant du train. Ah ouais, parce qu'ils sont en première classe. Exactement. Ça dépasse. Bon, enfin, bref, on va continuer. Ils s'en foutent. Non, je m'en fous pas. Devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Troisième question. Un petit problème de son, là, je crois. Ouais, non, mais ça vient du standard, en fait. C'est le... Attends, non, je sais pas. Tu vas voir. Hop là, voilà. Ouais, exact, ouais. Ça y est, c'est réglé. Voilà, donc faut plus rappeler les gens sur la ligne 7. Voilà. Bah, c'était juste pour Apolline. Okay. On y va. Alors, donc... c'est bien parce que... Vas-y. Bon. Donc, seriez-vous prêt à offrir un voyage à votre copine par amour? On va demander ça à RATP. RATP. Attends, je ne sais pas lesquels c'est, Gérard. Manu est en train de gérer le standard. Oh non, mais... Vas-y. Vas-y, Gérard, c'est bon. Eh, vous remettez tout le monde... Ça y est. Pose la question à quelqu'un d'autre. Non, je répète... Non. Gérard, je peux répondre? RATP. Gérard, c'est Air France, peut répondre? Attends, Air France, tout à l'heure c'était une nana, maintenant c'est un mec. Mais non, c'était un mec, j'ai jamais été une fille. C'est parce qu'il y avait Air Inter, il y avait Air Inter et Air France, c'est pour ça, Gérard, on y va. Ouais, non, mais il faudrait peut-être me faire des pistes correctement, là, au standard. Mais Gérard, on a changé, on te l'a dit. Non, mais il faudra peut-être me changer les pistes avec les nouvelles fréquences. Alors. Pose ta question, Gérard, et on va reprendre tranquillement. Vas-y, Trace. Donc, je t'emmerde, toi, connard. Vas-y. Donc, seriez-vous prêt à offrir un voyage à votre copine par amour? On va demander ça à... RATP. Oh là là. C'est quoi la soirée? Bah, Gérard, c'est une erreur, mais c'est pas grave, continue. Je continue pas comme ça. Avec le bordel, je vais pas attendre 10 000 connectés. Non, Gérard, c'est en train de monter, donc on va essayer de se calmer. Là, il y a un petit problème technique qui va être résolu bientôt. Ouais, dans ce cas-là... Calme, Gérard. On est 6758. Oh, bravo. Donc, c'est pas mal. Il y a quelques problèmes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une question, non? Si, il y en a plein. Alors, attends, je vais voir... Tu me donnes un disque, on fait un disque. Et, Gérard, tiens, il y a une petite question pour toi. Tu m'écoutes? Oui. Il y a Bretzel qui te demande comment tu imagines les voyages dans le futur. Justement, c'est une question qu'on allait poser. On va poser après, c'est ça? Ouais, justement, c'est une question. Partiriez-vous sur une planète pour voyager. Donc c'est la question numéro 5. Donc là donc on va toujours garder la 3, il est 0h53 et j'espère qu'on va avancer rapidement sur ce débat là parce que je voudrais pas tout foirer et je voudrais qu'on atteigne les 10 000. Il y avait autre chose à dire. Non, il y avait une question Minitel. On me demande toi où est-ce que tu aimerais voyager en fait ton rêve, là où t'aimerais aller ton rêve? Ah, mon rêve, c'est, ouais, c'est d'aller avec... Oui, bah, on sait avec qui, mais bon, où? Bon, mon rêve, ça serait de partir à Tahiti, mm-hmm, et l'île Maurice. Et c'est quoi qui te fait... Non mais, parce que je vois des images souvent, faut dire que la mer elle est vachement bleue, donc ça me fait kiffer à mort. On me dit aussi sur Minitel par contre que si tu vas là-bas elle sera peut-être un peu moins bleue. Non, ceux qui s'amusent à dire ça sur Minitel, ça sert à rien. Que tu pourrais faire fondre la barrière de corail, on me dit. Ouais, bon, ça, laisse tomber, c'est même plus la peine. Ok. Donc, on répète la troisième question et après je ne on la répète plus. On sait, vas-y. Hein? Seriez-vous prêt à offrir un voyage à votre copine par amour? Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 et toujours 3615 Code Fun Radio, rubrique directe, et on va s'écouter le Boeing 747 avec Éjacule sur mon max à oxygène. Et à tout de suite. Écoutez le Boeing 747 avec éjacule-moi sur mon max à oxygène. Donc excusez-nous les petits problèmes, ça va se régler dans les minutes à venir. Donc vous Gérard. Êtes toujours sur Fun Radio, ouais. Donc toujours Rigo sur l'IRC, www.frfunradio. Manuel, une question. Oui, il y a juste un petit truc, c'est Corben sur l'IRC, il te dit qu'en fait avec ta femme au niveau des voyages, t'as été à la maison tous les jours. Non. Non, Tahiti, faut pas. Tahiti. J'ai jamais été à Tahiti, je voudrais bien y aller. Tahiti à la maison. Ouais, je vois pas ce qu'il veut dire là-dessus. Donc, pour finir, pour accueillir tout le monde, donc Manu à l'AREA et oui, Apolline au standard. On est là. Apparemment, on a des petits problèmes, mais c'est pas grave. Donc, pour ça, donc la troisième question, c'est seriez-vous prêt à offrir un voyage à votre copine par amour? Et donc, on va demander ça à aller-retour. Voilà, merci. Au secours! Aidez-nous! Bah ouais, je sais pas ce qui se passe. Hein. Oh non, mais là, je crois que là, il y a des gros problèmes. Bah attends, on va. Oh non, mais on va gérer, mais je sais pas. Olive. Ma poule. Bah oui, on s'inquiète pas, Olive, mais bon. Olive, viens. Bon. C'est quand même bien le bordel. Donc on accueille. Non, pour l'instant on va essayer de les accueillir un par un déjà. Vas-y. Voilà. Bon. On accueille qui? Il appelle d'où? Aller-retour. Bon. Non. Bon, là je crois que. Non mais. Vas-y, non mais là je crois qu'on va pas pouvoir continuer comme ça. Max, il va te dégoûter. On va arranger le problème. Deux minutes, bon, tu meubles. Ouais, non mais moi je peux pas meubler. Il y a pas de problème. Il y a Belge. Bon, vas-y. Alors sur IRC, il y a Belge Boris qui nous a transmis un petit sondage. 84% des gens pensent que voyager rend intelligent. 85% ne pensent plus depuis qu'ils ont voyagé. Et 86% pensent au TGV Suresnes-Bruxelles. Et encore 87%, décidément, pensent que Suresnes est un très bon lieu de vacances. Qu'est-ce que t'en penses? Non, de toute manière, le mieux pour partir en vacances, c'est Tahiti, même voir la Belgique. Hein. Mm-hmm. Donc, parlez pas de la banlieue parisienne, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, qui qu'on a à l'antenne, là? Il y a quelqu'un, là. C'est qui? Comment il s'appelle? Alors, on a aller-retour, 22 ans de Nantes. Alors, tu peux me donner ta fréquence de Nantes? 108.2. Attends, là il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Tout à l'heure c'était un mec et maintenant c'est une nana. Il y a un gros malaise. Ils sont à deux là chez eux. Ah, il y a malaise. Quoi? Il y a malaise. Non. Donc ta fréquence? 104.3. 104.3. Ok. Donc la question, je te la répète pas. Tu l'as très bien compris. Ok, voilà, pour ma copine, enfin, ou pour mon copain, tu vois. Ouais. Si j'ai les moyens, ouais, je lui offre un voyage dégriffé. D'accord. Et tu peux. Non, mais tu peux préciser quand même. Bah, écoute, je vais sur Minitel, je compose 3615, j'ai des réducs. Et si c'est pas trop cher, je l'achète. Si c'est trop cher, il se le paye. Ouais, d'accord. On va accueillir. On a René Covolo. Oui, qui est toujours là. C'est re-moi. Rebonsoir Gérard. À la place de qui? Bah, c'est parce qu'on a un problème, donc il y a lui, il peut te répondre à la question. Vas-y, GG. Bon, alors, René, 95-4. À Brest. Ouais. Voilà. Donc, alors, vas-y. Peut-on offrir un voyage par amour? Ouais. Bah, écoute, oui, non, moi, je pense que bien sûr, on peut tout offrir par amour, pas qu'un voyage. Non, mais moi, je te demande un voyage, c'est tout. Tu demandes, en fait, oui, la destination idéale, en fait. Aussi. Mais non, mais je te demande, est-ce que seriez-vous prêt à offrir un voyage à votre copine par amour? Bien sûr. Je ne demande pas si c'est. Mais bien sûr, par amour, je serais prêt à tout pour elle, bien sûr. Elle s'appelle Robert et. Bon, d'accord. Formidable. Ouais, je crois que. Non, écoute-moi, Gérard, non, bien sûr. Je peux lui offrir un voyage par amour, je peux l'emmener où elle veut. Par amour, on peut tout faire, tu le sais. Ouais. D'accord, je vois pas du tout ta réponse. Billet d'avion. À Pau. Billet d'avion. Il arrive. Bon, bah, billet d'avion est plus là. Si, il doit être là normalement. Non, il y a eu un problème, il a raccroché, donc on va accueillir Antoine. Alors. Antoine. Voilà. Antoine, 20 ans, Toulouse, 103-1. Oui, bonsoir, 103 Toulouse, bonsoir à tous. Bon, Bonsoir. Bon, ça y est, je t'ai posé la question, donc tu réponds. Ouais, alors moi je l'ai entendu la question, et est-ce que je serais prêt à offrir un voyage pour amour? Moi je pense qu'il faut pas aller jusque là quand même. Pourquoi? Faut pas exagérer. Bah déjà les filles, je sais pas, on leur tient la porte, tout ça, la galanterie. Donc, ça c'est. Non mais attends, moi je te coupe Antoine. Ouais. Moi je vais te dire une chose, que c'est normal que tu ouvres une porte à une nana par galanterie. Ouais, mais justement, déjà, ça c'est beau, ça c'est beau Gérard. C'est magnifique. Déjà que tu leur ouvres la porte, que tu leur offres des fleurs, tu leur. Ouais, merci. Allô? Oui, je t'écoute. Donc je te disais déjà que tu leur payes le ciné, le resto et tout ça, tu vas pas en plus. Non, attends, Antoine. Pour l'instant, moi, j'ai jamais offert un cinoche ou un resto. Hein. Non, mais ça, ouais, non, mais ça, c'est un tort. Ça, c'est un tort. Mais moi, je veux dire, par amour, non. Pour lui prouver, tu vois, mes sentiments les plus profonds et les plus distingués, ouais. Ouais. Mais par amour, je pense qu'il faut pas aller jusque-là quand même. D'accord. Faut pas tout mélanger. Faut pas mélanger le plaisir et le travail, tu vois, par exemple. Ouais, mais faut pas mélanger tentacule et encule ta sœur. Aussi. C'est ça? Bravo, Gérard. Ok. Ouais. Gérard? Oui. Sinon, sur IRC, il y a Davy One, il te demande si quand tu fais caca dans un avion, c'est pas dangereux pour les gens qui sont en dessous. Ah, bah ça, j'ai jamais essayé de faire caca pour de savoir quoi, si. D'être c'est... dessous d'un avion quand il y a quelqu'un qui fait caca? Ah non, vu à l'altitude qu'il est, on peut pas savoir. On va récupérer aller-retour si c'est calmé. Non, il est parti. Il est parti. Ouais, il s'est cassé. Ah bon, donc il nous reste plus que Antoine, billet retour et René. Et Air France. Bonsoir Gérard. Ouais, elle est revenue, c'est parce qu'avec le problème technique, elle était partie, mais elle est revenue, c'est bon. Bon alors, pour toi Air France? Bah moi j'aime beaucoup mes copines, mais alors de là à leur offrir des voyages, je sais pas. Je préférerais offrir un voyage à mon mec, quoi, et partir avec lui. Mm-hmm. Non mais celui qui fait c'est pas toi, c'est moi qui qui commande, d'accord? Non mais ça veut dire qu'ils sont d'accord avec moi. Tout à fait, oui. Oui. D'accord. Ouais mais bon tu peux préciser la fin de ta pensée. Bah la fin de ma pensée c'est que j'adorerais partir en voyage avec mon copain aux Bahamas par exemple, au paradis fiscal. Seulement, on n'a pas trop de thunes, donc on va attendre un peu et puis on va se payer le voyage de notre jeunesse. Ouais. Ah, mais toi, tu dis ça parce que tu ramènes jamais le chibre à la maison. Bah ouais, il est chez lui, le chibre. Ouais, d'accord. Ok. Donc, quatrième question. Moi, je suis prêt à offrir un voyage à ma femme si j'avais les moyens, mais malheureusement, j'ai pas les moyens pour lui offrir. Et tu l'emmènerais où? Tu l'emmènerais où, ta femme, GG, il te parle, les auditeurs. C'est faux, les animaux ne sont pas centrés dans les avions, c'est n'importe quoi. Gérard. Moi, je serais prêt à offrir un voyage à ma femme à Tahiti, voir la Guadeloupe, mais pour l'instant... Manu, tu peux pas lui arranger le coup pour Tahiti? Tu te tais, toi, derrière? Bah, je sais pas, c'est pour toi, GG. Hein. Non, mais... Sur les billets d'avion aller-retour sur la banquise. Les habituels, vous avez commencé à vous calmer. Ah non, attends, on a galéré une heure au standard. Hein, ouais, mais de toute manière, je crois, Qui c'est qui m'a choisi ça? Ah, me regarde pas, je suis à l'arrière. C'est des gens qui ont été choisis au standard. Ah ouais? En cours de soirée, donc il n'y a aucun problème. Non, mais je crois que j'avais bien précisé, et Max avait bien précisé, on en a marre des habituels. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, Gégé. Non, presque pas. Presque pas. Pas moyen de gueuler. Il n'y a pas d'habituels. Ouais, ouais, ben c'est ça. Alors, vous allez fermer vos gueules, et pour l'instant, c'est tout. Ok? Rigo, question. Oui, il y a F de Babouin sur l'IRC qui te demande s'il faut aller faire vérifier ses vaccins chez le vétérinaire quand tu pars en voyage. Ça dépend où tu pars. De toute manière, il n'y a pas besoin de se faire vacciner pour partir. Hein. Ah, tu si, y a tu des... dis que ça dépend où. Ah non, non. Ah, ouais, si, okay. Ah, non. Si tu pars en dehors, si tu pars dans des pays vraiment chauds, oui, il te faut des vaccins. Mais sinon, si tu pars sur la Guadeloupe ou autre, Tahiti, tout ça, t'as pas besoin de vaccins. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Ouais, mais tu peux partir n'importe où en voyage. Ouais, mais t'as la Guadeloupe, t'as la Martinique, t'as Tahiti, t'as... je sais pas, t'as pas mal de voyages, mais t'as pas besoin de te faire vacciner pour aller à Tahiti ou autre. Hein. Mm-hmm. Et sinon, tout à l'heure, il y a quelqu'un, excuse-moi Manu, qui me demandait si déménager, est-ce que déménager, c'est voyager? Voilà, ça revient à la question militaire. Aller se promener en forêt près de chez soi ou tout ça, ça revient à voyager. Non, mais ça, déménager, tu peux très bien déménager. C'est sûr, si tu déménages, par exemple, pour un boulot, c'est sûr que tu voyages. Parce que si tu pars, par exemple, de Paris pour aller à la Guadeloupe faire une émission de radio, donc, t'es obligé de déménager, donc tu voyages. Mm-hmm. Hein? Et, ouais. Oui. Non, mais c'était... bah ouais, t'as répondu à la question. Donc, où aimez-vous partir en voyage? Alors, 25% en Bretagne, car il fait toujours beau. En ce moment, il fait pas toujours beau. Merci à Pauline de gueuler encore plus fort dans le téléphone. 20% en Normandie, car il y a toujours du soleil en ce moment, pas trop. 20% en Loire-Atlantique, car le temps est toujours superbe, c'est faux. 25% partent chez eux par an, car c'est toujours bon. On n'a rien, rien compris, Gérard, refais-le. Non, mais 25% partent chez eux, partent chez leurs parents, car c'est bon, c'est toujours bon de manger gratuit. Alors moi, je peux vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle, là où qu'il faudrait aller, c'est du côté de chez Apolline, s'il te plaît. On se calme, mais... on se calme, t'as pas besoin de crier. Non, parce que moi, quand je parle, quand je parle, on t'entend. Bon, je vais faire des efforts. Donc, alors, moins fort. Donc, je disais, là, en ce moment, où qu'il fait bien, où qu'il fait bon d'aller, c'est sur la Côte d'Azur, mm-hmm. à Nice. À Nice, à l'heure actuelle... On est en antenne, là? Non, vous êtes sur l'antenne. Vous êtes sur l'antenne. Excuse-nous, Gérard. Vous êtes sur l'antenne. Et à l'heure actuelle, à Nice, il fait... il fait beau. Il fait beau et les gens peuvent se baigner. Et il fait plus de 20 degrés. C'est la fête du voyage. On va boire du champagne. Ouais, je sens que tout à l'heure, ça va chauffer. Mais quel voyage dans mon agence. Manu, je vais te dire une chose. C'est pas moi. Tu me retires tout de suite cette merde. Ok. Merci les gars, c'est pas moi Gérard. C'est pas grave, reprends. Gérard, c'est pas moi non plus. Hein. Alors, quels sont... Alors là, moi je t'emmerde, espèce de fils de pute. Non, c'était une fille. Quels sont? Vas-y, la question, alors, Gérard. Alors, quels sont les moyens de transport pour voyager? Mm-hmm. Le vélo. Alors, Air France. Si tu voyageais loin, plutôt préférer l'avion au bateau. Ouais. Ça arrivera plus vite. On parle pas du Titanic. Non. Bon, alors toi, tu fermes ta gueule. Quand je t'appelle la prochaine, tu sortiras de sous le lit, toi. Ok, Michel. Ok, pour l'instant, maintenant, vous allez attendre, parce qu'il y a des questions IRC. D'accord. Ça vous apprendra, ça vous les habituels. Moi, je conseille quand même aux gens de voyager en voiture. Ouais. Bon, allô, tu t'écrases, Air France. Allô. Bah, ouais. Je peux te parler, non? Non, allô, pour l'instant, tu t'es, il y a des questions IRC. Ah, bah, déjà, là, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas une question. C'est Aïsti qui dit que ce serait bien que tu apprennes à voyager par la pensée, mais il faudra encore que tu saches penser. De toute manière, quand je fais mes poèmes, je pense à faire des voyages et justement, bientôt, je vais refaire des poèmes pour les auditrices hein, et surtout pour ma Bibi. Voilà, point final à l'ami. Ok. Tu peux roter, il n'y a pas de problème. Sympathique hein. Ça, Gérard, sympathique. T'es dégueulasse, mais on s'y fait. Ouais. Sinon, il y a Roadrunner, il dit qu'il part en vacances avec un routier de Suresnes en Thaïlande. Est-ce que c'est dangereux? Alors, avec un routier de Suresnes, s'il pense à moi, c'est pas la peine parce que. Non, il me dit qu'il pense pas à toi, à un autre routier qui habite Suresnes. Oh bah, t'es pas le seul routier. Non, mais il y a plusieurs routiers. S'il part en Thaïlande, il a intérêt d'avoir un passeport. C'est tout. Une autre question. Mais il demande si c'est dangereux de partir en Thaïlande en camion. Non, parce qu'il y a plusieurs personnes qui partent avec des routiers en Italie, en Allemagne ou autre. Hein. Après? Bah, il y a Davy One qui te demande si c'est dangereux d'aller aux toilettes quand un Boeing fait un looping. Bon, alors, Davy One. Comment que c'est? Davy One. Davy One, arrête tes conneries parce que j'en ai ras-le-bol de tes questions parce que je sais ta conclusion, ça aura ni queue ni tête. Alors, en de bon entendeur, salut! Ok. Alors, pour ça, on va demander à René. Comme d'hab, ouais, c'est clair. Mmh. René? Oui, c'est parti, là. René! Oui. Tu peux répéter la question? Tes moyens de locomotion préférés? Voilà. Mon moyen de locomotion préféré? Oh bah moi j'aime beaucoup le train, parce que je voyage souvent en train. Mm-hmm. Je fais des allers-retours Brest-Paris, Paris-Brest. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai. Bon, là vous allez arrêter parce que là vous commencez à me casser les bonbons. Parce que là c'est rien que des habituels. Oh, alors je commence à en avoir ras-le-bol! Pas du tout. Qui c'est qui m'a choisi? Non, c'est des habituels. Qui m'a choisi ça? C'est des gens qu'on a choisi au stand. Non. C'est des habituels. Il n'y a pas d'habituels. Alors, Apolline. Ok, j'ai retiré Air France. Non. Oui. T'as 5 minutes. T'as 5 minutes pour me trouver d'autres auditeurs. Ça marche. Et sur les lignes. Manu, tu m'envoies un disque. Ah, tout de suite? Ouais. Ah non, il n'y a pas de disque tout de suite. Non. C'est pas possible. Si. Non. Non, je veux pas le savoir. Non, je veux plus vous entendre. Mais je suis nouveau, moi. Non. Mais écoute-moi. Non. Mais écoute-moi. Non, alors, Apolline. Alors, on va écouter les autres. Non. Avec Défonce-moi la soute à bagage. Alors défonce-moi la soute à bagages. Je sens que vous allez me casser les couilles. Donc le débat va s'arrêter. Non. Manu. Oui. Tu me balances un disque. Tu balances le disque. Il est 1h13. Je veux pas le savoir. Ah puis il y a le téléphone chez les gens là. Non mais moi je veux pas le savoir. Aïe. Alors c'est quoi le disque? Le disque, c'est les fourmis voyages avec Souffle-moi dans les fesses, j'ai la migraine. Et on se retrouve après au 0803-08-5000. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, bienvenue au 0803-08-5000. Donc vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc c'est les débats de Gérard et donc Rigaud qui vous attend sur l'internet www.fr. On était 7022. J'espère que avant la fin du premier débat, on va atteindre les 10 000. On sait, tu l'as répété 15 000 fois. Non, je voudrais atteindre à la fin du premier débat au moins les 8 000 ou 8 005 à la rigueur. Je serais content aussi. Donc toujours Apolline au standard, mais donc on va continuer comme ça et toujours Manu ouais. À l'arrière. Bonsoir. Alors pour ça donc la question c'était partiriez-vous sur une planète pour voyager? Pour ça on va accueillir Terminus 23 ans d'Amien. On écoute Amien sur Fun Radio 102.8. Bonsoir à toi. Bonsoir mon ami Gégé. Bonsoir, donc tu peux répondre ? Ben, en fait, c'est-à-dire que ouais, les voyages sur d'autres planètes, c'est plutôt pas mal. Mais bon, si tu veux, c'est un peu dangereux, quoi, parce que bon, par les temps qui courent, on n'est pas très très sûr. On ne sait pas si on est tout seul. Et puis bon, je pense qu'il vaut mieux rester sur Terre quand même, hein, parce que bon, on ne sait jamais, une petite attaque de Martiens, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et puis bon, ça risque d'être horriblement cher. Donc il va falloir économiser encore pas mal. Mmh, d'accord. Pour ça, United Airlines. Ouais, Airlines. Pour préciser la compagnie qui nous accompagne pour aller à New York. Bonsoir. Oh ! Tu réponds maintenant ? Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Donc United Airlines, bonsoir. Donc j'appelle de Lille. Ouais, tu peux donner ta fréquence si ça te dérange pas. 104.2. Ok. Donc, vas-y, réponds. Donc, bah oui, je pense que partir sur une autre planète, ce serait bien. Par exemple, je sais pas, bon, la Lune, ça a déjà été fait, donc autant abandonner l'idée. Pluton, c'est pas mal, hein. Pluton ? Ouais, Pluton, plutôt non, pas non, mal. Non, mais... Ouais, Pluton, plutôt, c'est bon, vous laissez parler les gens, s'il vous plaît, merci. Oui, donc... Bon, United, bonsoir. Non, c'est pas moi. RATP, tant oui, pis. Bonsoir. RATP, Bordeaux. Oui, bah oui, c'est moi. Ta fréquence ? Alors, c'est 94.5. 94 ? 5. 5 ? Ouais. C'est bizarre parce que tout à l'heure, on t'avait dit au revoir et tu reviens, toi. C'est une imposte. C'est... Non, on lui a pas dit au revoir, Gérard, c'est quoi ? Pas faire. Non. Non, mais attends. On l'a eu en antenne, c'est inhabituel. Non, mais... Oh ! S'il vous plaît. Maintenant, je vais dire à Pauline. RATP pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît. Apolline, quand je te dis de me virer les gens, de m'en reprendre d'autres, c'est pas la peine de la garder. Non, mais Gégé, c'est parce que c'est quand il y a eu le problème technique, en fait, ça a raccroché. Je ne veux pas te savoir. Quand je dis au revoir à une personne. Je me demandais de répondre, mais je me suis fait. Quand je dis au revoir à une personne, je ne veux plus la entendre. Je ne veux plus la voir. Je n'avais pas dit au revoir, Gégé. Gérard, excuse-moi de te couper, mais là, il faut y aller parce qu'il est 1h20. Et après, il va avoir le deuxième débat, quoi. Alors, réponds à la question. Oh ! Ouais, et ben alors moi, j'aimerais aller sur Vénus parce que c'est la planète de l'amour. D'accord. Ouais, ben, je crois que tu iras sur Vénus dans ton lit. Au revoir pour toi. C'est terminé pour de bon ce coup-là. Je veux plus t'entendre. Mais elle a rien dit de mal, là. Hein. Non, mais même. Elle a bien répondu à ta question et tu l'as dit, je comprends plus, quoi. Non, non, c'est terminé. Hop. Antoine, 25 ans de Toulouse, ta fréquence, s'il te plaît. C'est 104.3. Oui, alors donc, bah écoute, pour toi. Les voyages spatiaux, moi, je suis pour, parce que je pense qu'il faut que l'humanité avance. Mm-hmm. Et moi, je pense que je me dirigerais plutôt vers une planète, pas la Lune, tout ça, plutôt vers Uranus, voilà. Ouais, non, mais sur une planète, ça veut dire pas spatialement, parce que tout le monde fait illusion au signe astrologique. Mm-hmm. Donc, on n'a pas besoin de faire de voyage sur des planètes, sur les signes astrologiques. Ça ne sert à rien. Ouais, mais ça n'empêche pas d'aller faire un petit tour vers Uranus. Ouais, ou Mayanus. Ouais, mais regardez ceux qui partent constamment dans l'espace. Ils vont où on sait pas. Si, on sait pas. La station Mir, voilà. Ouais, mais voilà, il y a sur Mir, mais ils vont pas sur Vénus ou autre. Attendez. Gérard. Oh ! Gérard. 5 minutes. Il y a une question IRC, peut-être. En fait, il y a Alan Clark qui dit que tu es au voyage spatiaux ce que Jackie Armstrong a été pour les Martiens en posant le pied sur Neptune. Non, pas spécialement. Mais t'en penses quoi, toi, du voyage de Jackie Armstrong sur Neptune ? Non, c'est vrai que c'était bien. Il a fait quelque chose que personne n'aurait pu faire à sa place. Hein. Ah, c'est sûr. Sixième question. Gérard, à la place de RATP, Gérard, on accueille TWA, 27 ans de Tours. Il s'est craché. Attention, le prochain qui dit ça, je vire tout le monde et j'arrête le débat. Mais j'ai rien dit, je dis bonsoir. Ouais, non, mais attends, TWA. TWA, je t'exposerai bien la boîte noire. Bon. Alors, tu me vires Antoine. Ah, c'est pas moi. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir aiguë, au hasard. J'ai une voix aiguë. De toute façon, il y a une voix de canard normalement. Alors TWA. Ta fréquence, s'il te plaît. C'est 102.8. 102.8. Ok. Donc, pour toi, la question ? Moi, en fait, la planète, ça m'est un peu égal. Ce qui m'importe, c'est plutôt la pesanteur et surtout faire l'amour en apesanteur. Ouais, mais... Donc, la destination, je m'en fous un peu. C'est le voyage qui va compter pour moi, quoi. Il paraît que c'est vraiment top. Non, mais de toute manière, je pense pas que... De toute manière, je voulais poser une question là-dessus. Êtes-vous prêt à faire l'amour quand vous voyagez ? De toute manière... Ça sert à rien parce que tout le monde va me dire tout le monde va me dire oui, donc ça m'intéresse pas. Donc, non, moi je te dis non. Ouais, ben un ministre peut-il partir voyager plusieurs fois dans le mois ? On va demander ça à Terminus. Ouais, moi je suis. Non, attends, Terminus, question IRC, priorité. Ah, excuse-moi. Il traînait la patte comme ça, c'est comme un petit cannibale, et il puait du slip, c'était une horreur. Gérard. Je sens qu'il y en a qui vont morfler. Moi je sens une odeur mais. Fais-moi mais, Gérard. Fais-moi vibrer, Gérard. Olivier. Ouais. Tu t'écrases s'il te plaît. Je m'écrase mais c'est juste pour te dire qu'on accueille Carlos. Oui bonsoir. À la place d'Antoine. Salut Carlos. Bonsoir. 24 ans. J'appelle Denis, j'ai 24 Papa ans. Papa you les. Non j'aime pas trop ça, c'est pas drôle. La fréquence. Et c'est 117.5 à Nice qu'on écoute Top Fun. Ouais ben là ça m'étonnerait 117.5, je te crois pas. Ah si tout à fait. Non. Vérifie. Bon mais il y a une question hier, c'est plus importante que toi. C'est un petit sondage qui a été réalisé par Chocobo Gold. Voudriez-vous faire un voyage avec Gérard de Suresnes sans une personne? Ont répondu oui, mais il faudrait les payer très cher. 102 ont répondu oui, mais qu'avec sa photo. 21% ont dit qu'ils aimaient bien Gégé, mais ne voudraient pour rien au monde voyager avec lui. Et 1% a répondu qu'il en avait rien à foutre des débats. Eh ben c'est bien. Pourquoi voyagez-vous ? Donc, le sondage, la personne qui a fait un sondage comme ça, j'en ai rien à foutre. Donc, pourquoi voyagez-vous ? Donc, 46%... Je voudrais bien que celui qui a un micro allumé l'éteigne, parce que quand je fais les sondages, j'aime pas trop. Donc 46% parce qu'ils ont gagné un voyage sur Fun Radio, ça c'est vrai que j'en ai gagné un. 24% parce qu'ils n'aiment pas ça, donc je vois pas le rapport. 19% parce que c'est trop dur de trouver une plage dans un jardin. Alors, une place dans un jardin, je mettrais plutôt une piscine. Et 8% parce que sinon, il ne voyagerait pas. Alors là, je sais pas. Bah si. Ah, si, c'est vrai ça. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il voyage ? Parce que sinon, il ne voyagerait pas. Ouais, mais sinon. C'est juste pour le fait de voyager. Bon, enfin, bref. Je veux bien. Et puis le dernier sondage, et puis on va conclure. Là, on va s'arrêter à. On va s'arrêter à la septième et puis après je conclue, je fais la conclusion parce que il y a le deuxième débat. Alors trouvez-vous les voyages trop chers? Donc 42% des gens travaillent chez Air France, donc ne payent pas, ça c'est vrai. 34% des gens payent parce qu'ils en ont en vélo. Bah attends, qui c'est qui m'a trouvé ça là? Un pauvre. Hop. Allez hop! Poubelle! Allez, même c'est pas grave, pas. On y va. Alors, sixième, pardon. Donc, un ministre peut-il voyager plusieurs fois dans le mois? On demande ça à Carlos. Oui, ben. Écoute, Gérard, tu m'as oublié? Non. Tais-toi! Allô, Gérard? C'est Carlos à l'appareil, laissez parler les gros. Donc, Carlos, tu te dépêches parce que je commence à en avoir ras-le-bol là. Non, mais je commence à en avoir ras-le-bol parce que plus ça va et plus ça va et moins ça va. Bon, je peux répondre. C'est bon. Alors vas-y. Ok, parce que sinon je peux attendre encore. Hein. Non, mais accouche. Ok, t'es sûr, hein? Allez! Je vais y aller, je vais pas tarder à y aller là. TWA. Je réponds, c'est Carlos. Non, Carlos, terminé. Tu me prends pour un con. Gérard, je te disais, donc c'est Carlos. Si tu as suivi l'actualité, je sais pas si t'as remarqué, mais quand même les politicards, donc les ministres. On est en tête là. Mais non. Les politicards, donc les ministres, a quand même tendance à aller se planquer à l'étranger quand ça pique de la tuile. On est en tête. On est à l'antenne. Ah, okay. Bon, alors, Carlos, terminé. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas Carlos, c'est TWA, je crois. Ouais, c'est pas Carlos, Gégé. Bon, alors, tu vires TWA parce que j'en ai ras-le-bol. Tu vires TWA. Je veux pas le savoir, moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre... Ah non, pas elle. Pas de marge, Gérard. Je m'en fous. Eh, les gars du club. Qui c'est qui s'amuse à me prendre des marques d'avion? Apolline! Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Oh merde, allez hop! Bon, Gérard. Bon, ouais, conclusion. Gérard, attends. Conclusion. Attends. Juste avant, merci, Apolline. Juste avant, pour te calmer, je voulais juste te dire que sur IRC, alors attends, faut que je retrouve, il y a Désirélès qui dit voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage. Non, mais moi, c'est terminé, tu peux dire au revoir aux auditeurs. Attends, on va attendre la conclusion. Non. Moi, c'est terminé, je travaille plus comme ça. Une heure et demie, de manière. Là, c'est le bordel. Là, c'est le vrai bordel. C'est le vrai bordel. Tu me prends n'importe quoi, toi. Mais Gérard! Attends! Carlos TWA, Unitania Terminus, tu me prends des mais là, compagnies. Mais non, ils sont bons. Non. Ils sont très bons. Non. Ils terminus. Sont très bons. Terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais ils sont bons, moi j'écoute, c'est bon. Non. Un peu que de la merde, c'est son premier débat, ça sera le dernier. Bon, bah, dégage, c'est pour Olivier. Alors, comment on fait? On la passe à l'arrière? On met Manu au deuxième débat et Olivier. Olivia à l'arrière. Si, c'est mieux. On peut peut-être la mettre en tant qu'assistante d'Olivier au standard. Non. Non, mais on la met plus responsable. Bah voilà, non, Gérard. Non. Ça cherche pas midi à 14h. Ce soir. Tu le trouveras pas. Je t'ai demandé de me faire du bon boulot. Mais c'est ce que je fais. Non, tu me fous de la merde. C'est de la merde que tu me fous. C'est un débat pour les hommes. De toute façon, il faut être dur dans ce métier. Hein, surtout pour les hommes. C'est pas la première fois que tu te fais engueuler par moi. Ah bah donc, ça, c'est clair. À mon avis, ce sera pas la dernière. Ah ouais, je crois aussi, ouais. Ouais, ben, t'as jusqu'au mois de juin. Hein? Alors, en de bon entendeur, salut. Mets-toi sur tes gardes. De bon entendeur. Mets-toi bien sur tes gardes. Rigo. Oui, pour finir, un petit sondage de Devitou sur l'IRC. Sondage effectué auprès de la maison de retraite de Soissy sous Montmorency. 12% des pensionnaires, ouais. 12% des pensionnaires aimeraient voyager sur leur tricycle. 26% des pensionnaires n'aiment pas les voyages sauf à Suresne. 52% des pensionnaires se sont fait coincer à la douane pour trafic de coton-tige. Bon, ouais, ben, je veux bien. Et sinon, il y a Yankee qui t'offre un aller simple vers l'enfer. Ouais, ben, je veux bien aller à l'enfer, comme ça, je serai tranquille. Conclusion des débats, Terminus. Eh bien, c'était sympathique, mais le voyage, bon, c'est vrai que c'est une notion qui est tout à fait relative, et je souhaite dire que bon, le voyage est quand même réservé à une certaine clientèle, et je pense qu'il faut quand même avoir quelques moyens pour pouvoir voyager, à moins d'être comme toi, Gérard, et d'aller à New York ou en Belgique au frais de Fun Radio. Ah non, mais attends, New York, ça c'est un voyage qui a été offert par Fun Radio. Ouais, mais que j'ai gagné avec Sandy pour aller voir en avant-première. Non, mais attends, Terminus. C'était un voyage qu'on a gagné pour aller voir en avant-première Godzilla. Le film Godzilla. De Godzilla. Oui, mais bon, c'était quand même bien, c'était un peu du piston. Ah non, c'était pas du piston. Ça nuance parce que on peut demander à Max. Non, mais on peut demander à Max qui peut revenir pour confirmer. C'était pas du piston. Hein. Non, c'était les coups de butoir, je te dis. Non. Mais tu es parti combien de temps là-bas? Une semaine? On est parti le dimanche et on est revenu le mercredi matin. Je pense que Manu quand on faisait le matin tout à fait, oui. Ouais, bon, donc Gérard, c'était il dure 2 heures, il dure pas non mais attends, 1h07. Oh, Terminus, oui. S'il te plaît. Oui. Je réponds à ta question. Donc, on est revenu le mercredi matin. Il était à peu près quelle heure Oh là, il devait être, si je me souviens bien, 8h31 et 45. Non, vous avez terminé l'émission. Ah bon? Ouais. 9h42. Ouais, 9h42. Ouais. Mais Gérard, on a eu des petits problèmes. À la douane. Gérard là. Ouais. C'est qui qui parle? C'est qui? J'avais fait d'autres voyages. C'est qui parle? Bon, Terminus. Ouais, Terminus. Je voulais savoir si, à part la Belgique et Florène et les États-Unis, tu avais fait d'autres voyages. Non. Non? United. Oui? Allô? United. Gérard est un privilégié. United. Oui, je suis là. Conclusion. Donc. Qui c'est qui a roté là? Oh là là, c'est quoi là? Mais oui, Gérard, bah, ils répondent, vas-y. Non, mais attends, c'est quoi là? Donc, non, attends, Gérard, c'est United Airlines. Donc je vais répondre à ta conclusion. Donc je vais faire ma conclusion. Donc moi je pense, donc ton débat était très très bon. Ceci dit, il n'y avait pas assez de questions donc pour approfondir le sujet. Bon ben, il n'y avait pas assez de questions parce que les auditeurs, quand on vous pose des questions, quand je demande quelque chose, vous me répondez à côté. C'est alors bon. Hop, terminus. Unité. Terminus, il est barré. Oui. Conclusion. Il n'y a même pas de terminus. Bon, Carlos. Je peux faire ma conclusion, Gérard? Bon, allez, faites-moi les conclusions, là, parce que j'en ai ras-le-bol. Donc, Carlos, moi, je trouve que tu as bien fait de faire un débat sur les voyages, parce qu'il faut redonner le goût aux gens de visiter des pays. Je pense que toi, t'as déjà été pas mal visité. Et je voulais aussi savoir si ta chérie, t'allais l'emmener en lune de fiel ou en lune de chienne, voilà. Carlos? Oui. Ma chienne a ton merde. Non, ta chérie. Ma chienne a ton merde. T'as dit ma chienne. Ta chérie en lune de fiel ou en lune de chienne? Ouais, bah alors ma chienne, tu vois. Mais non, c'est ça qu'il a dit. Il y a chienne dedans. C'est bon, quoi, toi? Oui, mais c'est pas. Attends, je suis con, hein, va te faire foutre, moi, d'accord? Ok, Michel. D'accord. Copyright? TWA. Copyright. Pas de marque. TWA. Pas de marque. Bon, au revoir. Au revoir, ouais. Bon, alors donc... Non, c'est bon, TWA. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, il va pas répondre, donc bonne nuit à lui. Donc, conclusion sur l'IRC. Alors, pas la conclusion de Turpentine, parce qu'elle est pas là. Ah. Donc, je vais donner la conclusion de Yankee et de Devitou en hommage à Turpentine. Ton débat, il avait ni queue ni tête, comme toi. Ouais, bah ça m'aurait étonné. Et sinon, il y a Père Fouras qui a donné une conclusion intéressante. Il disait, en fait, il dit à Rip qu'officiellement, il n'a pas le droit de faire rentrer des gens à l'école, mais ça passe pour cette fois. Si c'est Aurélie, ça passe. Ok. Et j'aimerais que tu dises bonjour à des gens qui t'écoutent. Ah, bonsoir aux gens de Réseau Mania. Donc, bonsoir à vous. Donc, puis même tous les gens de Belgique. J'espère qu'on en a quand même sur. Ah, il y en a énormément, ouais. On en a, hein. Ouais. Donc, on leur souhaite un petit coucou donc là où vous allez aller ce week-end. Donc, voilà. Tu peux repréciser la salle? La salle en Belgique, je sais plus du tout où c'est à Pondrome. À 40 km de Namur. 40 km de Namur et une centaine de kilomètres de Liège. Allez, on enchaîne ta conclusion, Gérard. Donc, ma conclusion, c'est dommage parce que j'ai voulu te laisser une chance et puis apparemment, ça a foiré. Donc c'est pas grave, donc on peut savoir juste avant de balancer les disques, combien qu'on est. On est 8723 et hop, on y va, on enchaîne. 8723. Voilà. Et donc, le disque. Et le disque, c'est les détritus font leur valise avec marée des fesses, c'est un Roche CD. Et on se retrouve après pour le deuxième débat qui va porter sur les Star TV. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. À tout de suite.